Moi j'ai choisi mon corps, hey, marqué yo yo yo. moi j'ai choisi mon camp. Marquez yo yo yo. Allez marquez les pas, marquez les pas, marquez les pas. Moi j'ai choisi mon camp. Ah marquez yo yo yo. Yes, you were.